Mais 82 nuits, on ne tue pas le dimanche, non, on attendra lundi. Un jour, le rap, c'est toujours ça le prix. Le dimanche c'est la trêve, la petite part de rêve. Tu crois en être sorti, mais demain, demain c'est lundi. Ça couille dans le fil indienne, trop tard pour regretter de pas avoir posé un RTT. RTT. Haute 24. Toujours forcé, passé. Ma première force est cassée. Marchez blanc, mes nerfs sont dissous et mes veines. Tant, j'ai le cœur froid de son plein. Que tu n'auras sans lieu de sang. Adieu Mali, adieu fillette. Jalis, mais tout ce samouraïs. Dieu, je sens venir ma fin. Nul passe-temps de ma jeunesse, nul m'accompagnant la vieillesse. Que le feu, le lit et le vin. J'ai la tête tout étourdie de trop d'or et de maladie. De tout côté le soir de mort. Soit que j'aille ou que je tarde, toujours après moi je regarde. Si je verrai venir la mort qui doit, ce me semble à toute heure, me mener là-bas ou demeure. Je ne sais quel putain. Tiens ouvert à tout venant, maintenant trouve facilement l'entrée, mais tout jamais on ne revient. Merci.